En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. Récemment, la Ligue canadienne de football et la Fédération française de football ont passé une entente de bon développement, quoi qu'il en soit, pour développer le football canadien en Europe et en Allemagne, en France, au Mexique. Et là, bientôt, Ambrose, le commissaire de la Ligue canadienne, va se rendre en Finlande. Question de savoir un peu concrètement, ça va donner quoi en France? Et parce que nous, j'imagine que la Ligue canadienne de football veut développer le football pour évidemment avoir des joueurs français dans cette Ligue canadienne de football. On parle avec de la Fédération québécoise de football américain, Pierre Trochet. Bonsoir Pierre. Bonsoir à vous. Pierre, d'abord concrètement, cette entente-là pour le football français, l'entente avec le football canadien, la LCF, ça va donner quoi? Ben, concrètement, on s'est mis d'accord avec le commissaire Ambrosi pour pouvoir effectivement trouver un accord sportif sur la possibilité d'accueillir des joueurs français au sein de la Ligue canadienne, puisque jusqu'à présent, les joueurs français étaient considérés comme des imports, donc essayer de trouver des arrangements à ce niveau-là, puisqu'on envoie nous très régulièrement des joueurs dans le système scolaire canadien, que ce soit en Cégep ou en U Sports, oui. Au niveau de l'RSEQ, et donc l'idée étant de pouvoir faciliter les échanges sportifs au niveau professionnel qui existaient jusqu'à présent au niveau universitaire, et puis pour nous en France, au-delà de l'exposition, de pouvoir jouer avec des joueurs français en Ligue canadienne, c'est la possibilité de pouvoir accueillir de plus en plus de joueurs canadiens au sein de nos ligues européennes. OK. Donc, concrètement, pour vous, c'est intéressant également. Je veux dire, est-ce qu'il va y avoir des joueurs? Est-ce que ça va vous aider au développement également de vos... Au développement de vos ligues là-bas? Alors, moi, ce que j'ai senti avec le commissionnaire Ambrosi, c'est effectivement une vraie volonté de sa part d'être sur un rapport gagnant-gagnant et non pas juste... disons un intérêt unique de la CFL. On a déjà la chance d'avoir un joueur français professionnel avec le kicker des Alouettes de Montréal, Boris Bédé. Et puis on aura vraisemblablement la chance d'avoir un receveur également qui va arriver dans la ligue dans les jours qui viennent. Et puis nous allons présenter quatre joueurs au combine, dont un des leaders sur les yards parcourus de l'Université de Montréal avec Aniel Robot probablement, et puis des anciens joueurs de McGill, Rouvier, Niawa, et puis d'autres Français qui viendront petit à petit. On a aujourd'hui une centaine de jeunes dans le système scolaire canadien, donc ça permet de pouvoir donner une opportunité à tous ces jeunes qui vont essayer d'aller chasser leurs rêves. OK. Dites-moi, est-ce que vous entendez, parce que c'est pas du tout la même affaire. Le football canadien, le football américain, c'est pas en tout la même affaire. Les règlements, le 4 essais au football canadien, c'est 3 essais. Le terrain plus large aussi au football canadien, un joueur de plus. Est-ce que vous allez harmoniser tout ça avec le football canadien ou le football américain? Alors, il est pas du tout dans l'idée actuelle de modifier nos formes de pratique. L'énorme avantage qu'ont les Français en comparaison aux autres pays d'Europe qui ont été visités, c'est qu'encore une fois, nous, nos meilleurs athlètes ou nos meilleurs jeunes qui sont déjà dans un cursus canadien vont jouer à 12 à partir du Cégep et jusqu'à la fin de leur cursus U Sports. Donc du coup, on a nous une facilité d'adaptation. Maintenant, il n'est pas sur la table aujourd'hui de changer les formes de jeu en France. On restera 11 contre 11, on restera sur la partie américaine du football. OK. Dites-moi, donc, j'imagine aussi que depuis cette entente-là, est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de... Est-ce que c'était bien vu par la Fédération française et les joueurs de football? Alors, c'est très bien vu au sein de la Fédération, parce qu'effectivement, ça ouvre une opportunité sportive, mais aussi une opportunité commerciale, puisque nous, on va pouvoir utiliser, bien évidemment, l'exposition offerte par une ligue professionnelle pour valoriser nos activités en France. vis-à-vis de nos partenaires, de nos sponsors, de nos offres télévisées. Et puis c'est surtout pour nous un premier pas vers le professionnalisme, puisque jusqu'à présent on a eu un seul joueur sur un roster NFL sur une saison dans les années 80, et jusqu'à présent la plupart des joueurs, le dernier en date était Anthony Mangou qui était chez les Eagles. Malheureusement a dû arrêter le dernier jour des camps. Okay. Donc le fait de pouvoir reprendre des joueurs, de retrouver des joueurs professionnels sur des potentiellement des saisons complètes, c'est forcément une bonne nouvelle pour le foot français. Vous avez un championnat, je pense, un championnat également, comme la Ligue canadienne, mais qui est beaucoup moins relevé. Évidemment, vous avez un championnat là-bas, hein? Oui, tout à fait. On a 300 associations affiliées en France. OK. Donc 15 000 joueurs de football américain. Ouais. Depuis les années 80. Et on a effectivement une division élite où on va jouer en deux conférences de 6, donc okay. 12 équipes réparties au nord et au sud du territoire. Et on joue également des compétitions européennes avec des clubs allemands, des clubs autrichiens, des clubs scandinaves et autres. Puis comment ça, est-ce que vous êtes quand même, est-ce que vous en tirez quand même pas si pire des équipes françaises? Ben, on est champion d'Europe. Okay. Sportivement, on est effectivement la meilleure équipe nationale. On a battu l'Allemagne lors des World Games de 2017 en Pologne. Okay. Et puis, on a battu l'Autriche l'année dernière en Finlande lors du championnat d'Europe. Donc, aujourd'hui, la France a la chance d'être sportivement sur la première marche, en espérant pouvoir le rester le plus longtemps possible. OK. Est-ce que les joueurs, il y a une augmentation du côté des inscriptions et ainsi de suite? Parce que j'ai eu la chance de capter certains canaux français, là. BIN, BIN, les matchs sont représentés. BIN Sport, ouais. BIN Sport sont retransmis là-bas, le football américain. Est-ce qu'il y a quand même des augmentations? Ben, le Super Bowl, on est passé, par exemple, qui est un peu la référence, on est sur le foot US, on est sur la NFL, mais c'est un peu la référence. Ouais. On est passé de 320 000 spectateurs à 565 000 cette année-là, ce week-end, okay. Enfin, il y a 15 jours. Donc effectivement, ça traduit une augmentation. On est sur 10 à 12% de pratiquants en plus chaque saison. OK, OK. Ben, on va espérer grandement que ça va donner quelque chose, cette entente-là, parce que moi, je pense que la Ligue canadienne de football, le commissaire Ambrose est très, très proactif là-dedans. Puis j'ai l'impression qu'il va sortir quelque chose de très intéressant là-bas. Oui, puis on peut dire qu'en tout cas il a optimisé son temps. Oui, effectivement. Pierre Triochet de la Fédération française de football américain, gros merci, pour ça parle peut-être un autre tantôt. Voilà, Pierre Triochet de la Fédération française de football.